Évariste Nziko Banyanga. À la mise en onde se trouvent Séraphine Hakizimana et Ouattara Fariala. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Voici d'abord les titres de l'actualité de la mi-journée de ce mercredi 14 septembre 2016. Ça fait déjà une année et cinq mois après la destruction de certains médias privés, certains journalistes contraints à l'exil. Le président de l'Observatoire de la presse au Burundi, Innocent Muhoozi, qualifie cette situation de dramatique. Le fait qu'elle est priver la population d'une information diversifiée. Une personne a été blessée par explosion d'une grenade hier soir au quartier Charaman dans la commune urbaine de Nangwa. Cette attaque des inconnus a eu lieu dans un petit débit de boisson se trouvant dans la parcelle de Pierre Claver Mbonima, président de la ProDH. Le concours de sélection des élèves des 6e année a accueilli en 7e année dans les écoles d'excellence se déroule pour le moment dans toutes les directions provinciales du pays. À Karoussi, certains directeurs des écoles fondamentales ont remplacé certains élèves qui étaient premiers de classe par d'autres. Et en actualité internationale, nous vous parlerons de la crise politique au Gabon et en République démocratique du Congo. Et au Bénin, nous vous parlerons de cette mobilisation de la population après explosion d'une décharge. La radio de l'avenir. Rebonjour et bienvenue. Une partie de la population de la capitale Bujumbura estime avoir un problème social d'accès à l'information. Après une année et cinq mois avec la fermeture de certains médias œuvrant sur le sol burundais, sans l'information, cette population recourt à d'autres informations dites informelles. Et cela engendre des rumeurs et de l'ignorance chez la population. Cette dernière demande au gouvernement de faire le tout possible pour que ces médias soient réouverts. Suivez-les. Ce que je pense sur la fermeture des radios est qu'on a tué la démocratie. Selon moi, je peux dire que l'État a tué ce qu'il devrait sauver. Vu d'abord, pour le moment, on fait recours aux radios informelles, notamment WhatsApp ou Facebook. Ça aussi, ce n'est pas bien contrôlé. Ce sont des rumeurs. C'est déjà cultiver l'ignorance dans la société. Ça, c'est un défi majeur. Alors, pour corriger ça, il faut que l'État investisse dans des médias. Une société sans information, c'est comme boucher les oreilles de la société. L'État aussi aura de problèmes. La société aura de problèmes. Pour moi, je peux dire vraiment qu'on est privé vraiment des informations à cause de la fermeture des radios privées. Sans information, il n'y a pas de développement. Quand on est coupé de l'information, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans son pays. Et on sait comment justement s'y prendre selon la manière dont justement ces radios nous donnent des informations. Sinon, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on est privé de l'information et tout simplement, on est privé de la vie. Ce 14 septembre, donc, une année, cinq mois vient de s'écouler. Certains médias étaient détruits. Quelques-uns des journalistes étaient contraints à l'exil. Le président de l'Observatoire de la presse au Burundi qualifie la situation de dramatique que la population soit privée d'une information diversifiée. Innocent Muhoozi, en même temps directeur de la radio-télévision Renaissance, estime que le droit à la vie doit être respecté. Il interpelle les acteurs concernés par la crise au Burundi de se mettre autour d'une table de négociation et de manière inclusive. C'est malheureux, c'est dramatique de priver les gens d'informations, de savoir ce qui se passe autour d'eux. C'est des choses qui sont d'un archaïsme qu'on n'imaginait pas possible encore dans notre pays, mais la situation est comme celle-là. Mais pire que ça, c'est surtout, on ne peut pas espérer avoir le droit de s'exprimer, le droit à l'information, si le droit à la vie lui-même est remis en cause. Parce que tous les droits, toutes les libertés sont fondées d'abord sur celle qui est fondamentale, le droit à la vie, le respect de la vie. Nous ne doutons pas que nous reprendrons le travail dans le pays comme c'était avant, et même mieux pour toute la presse, aussi diverse qu'elle soit. Mais maintenant, nous espérons que ça passe par la négociation, par les discussions, que tout le monde se rende à Arusha, que tous les acteurs qui sont concernés par la crise actuelle se rendent à Arusha, discutent et se remettent d'accord rapidement sur une façon de normaliser la situation. C'était Innocent Muhozi. Certains parlementaires se demandent à quand la réouverture de ces médias détruits. Ils ont soulevé leurs inquiétudes à la mi-août devant le deuxième vice-président de la République, alors qu'il présentait les réalisations semestrielles des ministères de son ressort. J'aimerais vous demander, il y a une mesure prise après le problème survenu l'année passée et des médias ont été fermés. Vous avez dit que des dossiers médias ont été réouverts. Quant alors la réouverture des autres, ou qu'est-ce qui manque pour qu'ils fonctionnent encore? Je termine sur la question en rapport avec les médias en disant merci pour les radios réouvertes. Quant à l'or, la réouverture des autres, puisque réellement la communication est importante au monde en informant la population sur ce qui se passe, mais aussi sur la sensibilisation à la santé publique ou au développement et d'autres domaines. Mais ces mêmes médias peuvent être un obstacle sur le bien-être et la cohabitation des gens. Sur ces inquiétudes, le numéro 3 de l'exécutif burundais a répondu qu'il n'en a pas de réponse satisfaisante. Les dossiers des médias qui n'ont pas encore eu la permission de fonctionner font toujours objet d'enquête au ministère de la Justice. La réaction est d'Agnès Bangiri-Tchenge, porte-parole du parquet général de la République. Quant au Conseil national de la communication, le vice-président de cette commission a promis de réagir à propos dans nos journaux de l'après-midi de ce même mercredi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Sécurité à présent, une femme a été blessée par une grenade lancée dans la nuit d'hier dans un petit bar se trouvant dans la propriété de Pierre Claver Mbonima, président de la ProDH dans le quartier Tcharama 2, zone Kinama, mairie de Bujumbura. L'administration locale indique que les auteurs de ce forfait n'ont pas été identifiés mais que la police est en train de mener une enquête. Les détails avec Didier Nianzima. Il était presque 20h lorsqu'une grenade a été jetée dans un petit bar situé dans le quartier Tcharama des zones Kinama, dans la propriété de Pierre Claver Mbonima, président de la ProDH. Cette grenade a blessé une femme qui était avec son mari, un officier de l'armée, comme l'indiquent les sources trouvées sur place. Son témoin dit qu'ils n'ont pas vu les responsables de ce forfait. Nous étions juste assis à côté des gens dans le bar en train de boire. Et tout à coup, nous avons entendu une explosion. Après, nous nous sommes enfuis. Ma famille était juste à côté. Il a fallu que j'aille vérifier s'ils sont sains et saufs. Ainsi, j'ai entendu un homme crier avec sa femme et l'enfant qui a à peu près 11 ans. Au lieu d'aller ranger mes articles que je vends juste à côté, je suis allé aider la femme qui avait été blessée par la grenade sur les jambes. Nous l'avons prise et nous avons cherché un véhicule pour l'amener à l'hôpital, mais en vain. Nous avons ainsi appelé des amis et finalement, elle a pu être amené à l'hôpital. Comme cela s'est passé la nuit, on n'a pas pu voir les responsables de ce forfait. L'administration locale indique que les responsables de ce forfait ne sont pas encore identifiés, mais que la police est en train de mener une enquête. Merci à Didier Niyonzima, stagiaire à la radio Isanganiro Sécurité toujours. Un homme connu sous le nom d'Antoine Nyavenda a été grièvement blessé par coup de machette sur la colline Marambo 1, en commune Rugombo de la province Chivitoke. C'était hier vers 16h. Cet homme provenait des champs d'irrigation du riz. À ce moment, il a rencontré des gens l'accusant de tentative de vol des haricots et l'ont blessé tout le corps par coup de machette. En attendant l'identification de ce criminel, cet homme est en train de recevoir des soins à l'hôpital. Il s'agit de la troisième personne blessée à coups de machette. Les deux autres sont mortes au cours d'une période ne dépassant pas une semaine. Le chef de zone Nergui Savi de la commune Moutaro en province Gitega a été blessé suite aux acharnements qui se sont produits à la colline Rurengera. Selon les informations en provenance de cette colline, le représentant communal du parti FNL, El Dagaton Urguasa, lui-même cité dans cette bagarre, aurait été ligoté puis emporté par les jeunes Imbonerakure vers une destination non encore inconnue. L'administrateur communal de Moutaro désire Désiré Niyomuhanyi indique qu'il va s'exprimer après une réunion qui va tenir cet après-midi en intention des habitants des collines Rurengera et Kinyinya de cette même commune. Le directeur général de l'urbanisme, ambassadeur Amis Nangibingura, en collaboration avec le maire de la ville de Bujumbura, sont en train de préparer une réunion au cours de laquelle ils inviteront les habitants de Buterere 1, cellule 3, soi-disant qu'ils ont des propriétés dans cette localité. Ambassadeur Amis Nangibingura l'a dit au moment où il s'observe une mésentente entre ces habitants de Buterere et l'administration locale. Ceux qui seront présents dans cette réunion sont priés d'amener des titres fonciers pour vérifier si ces services, si ces documents, ces dossiers sont conformes à la loi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le rapport de la CNDI et celui du médiateur dans la crise burundaise doivent être mis en relation pour avoir les corrélations à nœuds afin de trouver des solutions. C'est l'une des réflexions sorties lors d'un atelier organisé hier par le Forum des partis politiques à l'endroit des partis politiques membres et les membres de l'Assemblée générale. Mais de par le point de vue, d'autres n'apprécient pas la manière dont a été organisée les négociations du médiateur Benjamin Mukapa à Arusha. Les détails avec Alida Ndaikeza. Les grands points dégagés lors de cette réunion sont entre autres faire un lien entre les rapports de la Commission nationale de dialogue inter-burundais et le rapport du médiateur pour trouver des points de ressemblance. Les rapports de la CNDI et du médiateur doivent être rapprochés en vue de dégager les points de rencontre et dégager aussi les idées de divergence afin de trouver des solutions. Et le dialogue doit être beaucoup plus inclusif. Le médiateur doit inviter tous les partis politiques agréés au Burundi. Il faut que les partis politiques aient une vision commune sur la situation de la crise actuelle. Les participants à cette réunion ont également demandé que toutes les négociations se fassent au Burundi pour qu'elles soient suivies par beaucoup de personnes. Envers la médiation et la CNDI, il faut faire un rapatriement rapide du processus du dialogue. Il faut aussi que le gouvernement doit veiller à ce que tous les partis politiques agréés participent dans les dialogues, que ce soit interne et externe. Ils ont fait savoir que les rapports de la CNDI ont considéré les points de vue de la majorité, alors qu'il y a une minorité. À côté de cela, il y a eu ceux qui n'apprécient pas la manière dont les négociations d'Arusha 2 se sont passées. On n'a pas voulu trop parler sur les négociations d'Arusha 2 parce qu'elles ont été mal préparées. La médiation aurait dû tenir compte du rapport de la CNDI au lieu d'inviter les opposants radicaux. Et surtout, on a vu qu'il y a eu des personnes qui ne sont pas des hommes politiques qui ont participé à ces négociations. Cet atelier du Forum des partis politiques n'a pas vu la participation des opposants radicaux. Merci à Aridan Daikeza, qui est aussi stagiaire à la radio Isanganiro. Evariste Ngaïmenda d'Oliprona, non reconnu par le ministère de l'Intérieur, estime qu'il ne peut pas y avoir de point de rencontre entre le dialogue intérieur et celui extérieur. Il soutient que la solution à la crise burundaise ne sera trouvée qu'à travers la médiation étrangère. Pour lui, le Forum des partis politiques et la Commission nationale de dialogue inter-burundais, tous sont des organes qui émanent du parti au pouvoir. Suivez Evariste Ngaïmène. Ce sont tous des émanations du CNDD, FDD et de ces institutions et qui sont en fait ces véritables caisses de résonance de par leur composition et de par leur mission qui n'est rien d'autre que l'enterrement de l'accord d'Arusha et la révision de l'actuelle constitution. Par contre, le dialogue externe se veut inclusif et se veut surtout diriger vers la restauration du respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la constitution qui en est émanation. Deux, ça se veut un cadre absolument inclusif. Et trois, ça se veut aussi un cadre de retour à la légalité, à la légitimité constitutionnelle à travers la mise en place d'institutions librement et démocratiquement élues. En clair, ça veut dire en fait que les deux pôles sont d'émanations de légitimités différentes et sont animées de perspectives politiques absolument diamétralement opposées. Ce qui est possible de penser, c'est que et le Forum des partis politiques et la Commission nationale de dialogue interne siègent dans ce processus de dialogue externe comme accompagnateurs ou comme délégués du système CNDD-FDD, auquel cas ils auront à rencontrer l'opposition. Page éducation à présent, je vous le disais en titre, le concours de sélection des élèves à accueillir en 7e année dans les écoles d'excellence est en train de se dérouler ce mercredi dans toutes les directions provinciales du pays. À travers un communiqué sorti ce mardi, le ministère ayant en charge l'éducation nationale rappelle à l'attention des directions provinciales et communales de l'enseignement que seuls les élèves de 6e année qui ont été premiers de classe dans toutes les écoles du pays sont éligibles pour passer ce concours de sélection. Il met en garde toute personne qui tentera d'introduire sur le lieu de passation du concours un élève qui ne remplit pas cette condition, qui sera traité conformément à la loi. À Carousi, 184 écoliers de 6e année ont fait ce matin le concours d'entrée à l'école d'excellence récemment mis en place par le gouvernement sur la liste de ses lauréats. Il a été constaté que certains directeurs des écoles fondamentales ont remplacé certains des élèves qui étaient premiers de classe par d'autres. Le responsable du centre qualifie ce comportement d'indigne pour le responsable des détails avec Blaise Pascal Caravmi. Les 184 écoliers qui ont été les premiers des classes de leurs écoles fondamentales respectives de la province scolaire de Carousi ont passé le concours d'entrée à l'école d'excellence le matin de ce mercredi. Sur les listes élaborées par le directeur des écoles fondamentales concernées, il a été remarqué, comme le confirme le directeur de ce centre de passation de Carousi, qui est dans les enceintes de l'Itabu Carousi, 12 cas d'irrégularité ont été remarqués. Je vis Tingenda Kulio parle de certains directeurs qui ont présenté les noms des élèves qui n'étaient pas les premiers dans leur classe et d'autres directeurs qui n'avaient pas informé les élèves concernés. Il affirme que les 12 élèves qui n'étaient pas sur les listes ou bien qui avaient été remplacés par d'autres qui n'ont remplissaient pas le critère d'être premiers de la classe ont pu bénéficier de le numéro 5000 et plus pour passer à ce concours. Il signale que deux autres élèves ont été renvoyés à la maison malgré qu'ils étaient inscrits sur les listes car ils n'étaient pas les premiers avant leur bulletin du même que les premiers de leur classe s'étaient déjà présentés le matin de ce mercredi avec leurs parents. Plusieurs de ces cas d'irrégularité d'inscription ont été remarqués dans certaines écoles fondamentales des communes scolaires de Nyabikere, Mutumba et Chombo, comme l'indique le président du centre envoyé du ministère de l'Éducation. Depuis Carousi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci à Blaise et Pascal Kararoumié. Des lacunes ont été observées à mairie de Bujumbura, comme l'absence de certains élèves sur la liste envoyée par les directeurs. Le test d'entrée pour les écoles d'excellence s'est passé au lycée Saint-Marc pour les écoles de la mairie de Bujumbura et de la province de Bujumbura. Les parents qui avaient accompagné leurs enfants n'ont pas manqué de manifester leur mécontentement. Le directeur provincial de l'enseignement en mairie de Bujumbura a confirmé ces irrégularités. Pour y remédier, ils ont laissé passer les tests aux élèves qui ont présenté leur bulletin en étant les premiers de leur classe. Ce centre a accueilli 277 candidats en provenance de la province de Bujumbura ainsi que la mairie de Bujumbura. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Quelques brèves en actualité internationale avant de boucler la boucle de ce journal. Au Gabon, le compte à rebours est enclenché. Les 9 magistrats de la Cour constitutionnelle ont jusqu'au 23 septembre pour instruire et trancher sur les recours déposés par l'opposant suite à la réélection contestée d'Ali Bongo. La confrontation des procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué où Ali Bongo a obtenu 95% plutôt des voix sera décisive. Le camp d'Ali Bongo a jusque ce soir pour déposer devant la Cour constitutionnelle sa réponse argumentée aux anomalies signalées par l'opposition. Il n'y a finalement pas eu de rencontre directe mardi soir entre les délégations de la majorité de l'opposition, mais les tractations continuent. Le dialogue national congolais est au point mort et toujours boycotté par deux des principales forces de l'opposition. En cause, la séquence des élections à venir. L'opposition représente au dialogue, veut que la priorité soit donnée à la présidentielle, comme le prévoit la résolution 2277. Elle a décidé de suspendre sa participation lundi. La majorité, elle, souhaite des élections locales d'abord. Un scrutin jamais organisé dans le pays pour renforcer la décentralisation. Au Bénin, les défenseurs des consommateurs espèrent que le gouvernement prendra des mesures réelles pour lutter contre les accidents liés aux décharges. Le bilan d'une explosion survenue au Bénin dans une décharge d'enfouissement de produits avancés est désormais de 18 morts et 92 blessés, selon le ministère de l'Intérieur à Tori-Avané. À 40 km de Cotonou, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a qualifié l'accident de regrettable et a promis que les autorités étudieraient des mesures pour prévenir à l'avenir de tels accidents. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais à celui qui vient de nous capter en cours de route, voici le rappel des principaux titres. Ça fait déjà une année et cinq mois après la destruction de certains médias privés et certains journalistes. Contraint à l'exil, le président de l'Observatoire de la presse au Burundi, Innocent Mohozi, qualifie cette situation de dramatique et le fait de priver la population d'une information diversifiée. Et une personne a été blessée par explosion d'une grenade hier soir au quartier Charama dans la commune urbaine de Nangwa. Cette attaque des inconnus a eu lieu dans un petit débit de boissons se trouva dans la parcelle de Pierre Claver Monima, président de la ProDH. Le concours de sélection des élèves de 6e année à accueillir en 7e année dans les écoles d'excellence se déroule pour le moment dans toutes les directions provinciales du pays. À Karozi, et vous l'avez entendu, certains directeurs des écoles fondamentales ont remplacé certains élèves par certains élèves qui étaient premiers de classe par d'autres. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à Séraphine Hakizimana et Wachwa Fariala qui étaient à la mise en onde de la présentation de ce journal. Vous étiez avec Évariste Nzukubanyanga. Passez un bon après-midi. Au revoir.